venu dans mon pays, dans mon village. Il n'a pas posé de questions, un tel silence est un outrage. Mon père en a le rouge au front, mon père en a le rouge au front. On lui avait peut-être appris qu'il faut se taire, qu'il faut se taire autant qu'on peut. À peine bonjour et merci, chacun son toit, chacun son feu, chacun son toit, chacun son feu. Celui qui n'interroge pas ne sera qu'un passant. Celui qui n'interroge pas, celui qui n'interroge pas est-il vraiment vivant? On n'aime pas les commérages dans notre masure. Dans notre masure et pourtant, on dit de lui c'est un sauvage, un cœur de pierre indifférent, un cœur de pierre indifférent. Celui qui n'interroge pas, celui qui n'interroge pas, ne sera qu'un passant. Celui qui n'interroge pas, celui qui n'interroge pas, est-il vraiment vivant? Les vieux pêcheurs qui savent lire dans les nuages, il aurait pu leur demander un souvenir, un peu de temps. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être écoutés. Il s'en est allé du village sans un regard, sans un regard à nos maisons, sans un sourire à nos visages. Comme enfermé dans sa prison, comme enfermé dans sa prison.